Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien, bonsoir les amis, il est 17h, vous êtes sur Radio Méditerranée. Nous retrouvons encore une fois pour le son de l'underground. Quoi vous dire, nous sommes en direct, vous êtes en direct sur la radio, on est sur radioméditerranée.com, on est sur l'appli aussi. On est aussi sur la page en direct sur la page Radio Méditerranée sur Facebook. Aujourd'hui au programme, on a une heure et demie de pure house classique pour retrouver les racines de la house pour les amoureux aussi du funk et de la disco. C'est juste une continuité. Alors c'est que des morceaux récents, hein. Ce n'est pas les vieux morceaux de house, mais qui respectent en tout cas la donnée house. Et puis ensuite, on se retrouve pour une heure et demie de progressive house, qui est quelque chose d'un peu plus récent, qui est une apportée de trance un petit peu sur la house et qui est quand même un domaine que j'aime précisément. Je pense faire un set au Sudtronic le 5-6 septembre à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y a en news ? Bientôt, on aura le 12 juillet une sardinade après une journée éco-citoyenne où les fonds marins seront nettoyés au port Fréjus. Vous aurez ma fille en live qui chantera Moa. Je serai là aussi pour mixer. Voilà, une journée intéressante avec bien sûr Radio Méditerranée qui assurera la couverture de cet événement. Eh bien écoutez, on va démarrer tout de suite pour les puristes de la musique. J'ai quelques salutations à faire à mes amis habituels, aux 3 à 400 000 auditeurs par jour quand même sur Radio Méditerranée qui nous suivent, que ce soit en France ou à l'étranger, grâce, c'est ça la magie du web. Et puis en particulier ici dans le coin, Dolo, Franck, un petit bisou à Olivia à la Garde Freinée, un petit bisou à mon frère Alex, à ma fille Moa, et puis aussi, un petit bisou, on nous écoute en Italie, à Riva del Garda, un petit bisou à Luana, qui est une fan aussi de house et qui attend ce moment avec impatience. Donc on est parti sur un bon set de house. C'est parti les gars. Yeah, baby.

something about the sound of it and the percussion and the drums and the bass line. It's not complicated. It's just the basics there. The main things that make people motivated to get on the floor and dance. Sexual, it's very positive, it's dance music, you know, you use your whole body, and in this day and age, a lot of people can't go home and have sex, so they might as well have sex on the dance floor. sweat. missing your body, missing your eyes, I'm missing the way you look at me. When you never love me, you never love me, what's in your great mind? check out the sounds. You got it. Radio Méditerranée. Radio Méditerranée.

Radio Méditerranée. Méditerranée. Radio Méditerranée. Radio Méditerranée. Radio Méditerranée. Underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, fin de cette première partie pure house. J'espère que ça vous a plu. On est passé par des côtés quand même assez funky, assez disco aussi, même si les nouvelles versions de la house sont un petit peu plus électroniques, c'est sûr. Mais en tout cas, au niveau des rythmiques et des lignes basses, on retrouve vraiment les origines de la house. Là, on va passer à autre chose. On se réserve donc cette partie jusqu'à 20h avec de la progressive house. Progressive house qui a donc une évolution plutôt trancy, qui est un petit peu plus mes origines. J'ai une carrière assez longue dans le milieu de la trance. Au début, quand tout a éclaté, début des années 90, la psychédélique trance, la goa trance, voilà, ça a été une grande partie de ma vie de DJ. Pas trop de boîtes de nuit, plutôt des forêts, des plages et autres squats, en tout cas des endroits bien plus libres à cette époque déjà que le reste. Alors comparé aujourd'hui, je vous le dis même pas. Voilà, quoi vous dire, ben pour les news, on attend toujours l'arrêté préfectoral pour la soirée, pour le festival, pardon, Sutronic, qui sera donc axé house et techno. D'ailleurs, je pense faire 2 sets à ce festival, il y en aura un techno, il y en aura un house. Je pense que je ferai un progressive house parce que c'est pas tout le monde qui fait ce style, et comme ça sera très complémentaire par rapport à d'autres DJ très talentueux qui viendront aussi faire tourner des galettes house, deep house, tech house, voilà. Donc moi je vais passer surtout sur la progressive, et aussi il y aura sûrement la nuit un gros set techno. En tout cas, voilà, ça c'est pour les news. Les rendez-vous, le 12 juillet, Radio Méditerranée sera en direct du Port Fréjus pour une journée éco-citoyenne organisée principalement par les rivages propres, pas les rivages pourpres, hein, attention, les rivages propres, donc avec l'association, avec l'organisation bien sûr de la commune de Fréjus. Il y aura des gros mécènes, je pense que Pizorno participe, il me semble, Virtuose Média aussi qui est un partenaire de la radio. On peut nous retrouver aussi également sur lesindés.com. Apparemment, c'est un regroupement de radios indépendantes. Et donc, c'est un autre accès aussi. On peut nous retrouver sur le web. Vous pouvez toujours donc sur radioméditerranée.com. On se retrouve aussi sur l'appli que vous pouvez télécharger gratuitement, qui marche très bien, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Quoi vous dire encore, il n'y a pas beaucoup de news, on attend un peu les soirées qui vont arriver. Voilà, sinon en news, il y a ma fille qui est en studio avec Mathieu qui l'aide pour un arrangement super sur 2 morceaux qui vont être, je pense, sympa et marquant pour ces 2 premières. Une chanson en anglais qu'on est en train de fignoler, et puis une en français qui, à mon avis, sera un tube. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard dans cet été. Quoi vous dire, toujours un petit coucou aussi aux 300 à 400 000 auditeurs quand même sur Radio Méditerranée, tous les jours, qui nous suivent, c'est quand même pas mal. On a quand même un programme éclectique entre Bernie qui nous amène le 70-80, le disco funk, Bruno Liévin qui est quand même un astrologue, voyant, runologue quand même émérite, et qui a un grand succès aussi tous les mercredis matins. Je vous conseille aussi de voir ça, vous pouvez l'appeler aussi pour avoir des renseignements sur le futur. Sinon, ben moi, je m'occupe pas trop du futur, plutôt du présent. Et là, présentement, on va passer à de la progressive house. Voilà, toujours un petit coucou à tous ceux qui nous suivent. On a aussi maintenant, donc vous pouvez aussi vous brancher sur Facebook. On est en direct en vidéo avec un nouvel habillage. Par Twitch, donc qui nous diffuse sur tous les réseaux sociaux en même temps. Ça, c'est sympa aussi. Pour bien montrer que c'est du live, c'est seulement et uniquement sur Radio Méditerranée. Vous avez de la qualité top niveau son. Donc là, on va faire de la progressive house. Attention, c'est un peu plus planant, un peu moins dans le déhanchement funk, un peu plus à fermer les yeux et à danser tranquillement. Voilà, c'est un peu plus mon style, mais bon, on est parti. Allez, à tout à l'heure. Radio Méditerranée, Méditerranée, Méditerranée.

shed. To the pain I unknowingly fed. Our hearts cry out for passion. Tomorrow is the promise. And yesterday, blitz to the past. We finally found our peace again. Thank you. little, show me love. Just a little, keep it up. Just a little, I need more. Just a little. Stop. All of you. We'll be right back. Radio Méditerranée. Radio Méditerranée. Thank you. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Comunatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Comunatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, amis auditeurs de Radio Méditerranée, c'est la fin de cette édition du Son de l'Underground, 11 juin 2020. Voilà, un spécial house avec un premier mix d'une heure et demie de pure house, et puis derrière de la progressive house qui fait bien partir. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, moi ça m'a vraiment plu d'être là, ça, j'ai apprécié de partager tous ces nouveaux morceaux avec vous. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura un petit peu de news sur les nouveautés et puis sur tout l'événementiel. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine sur Radio Méditerranée. On se retrouvera donc jeudi prochain à 17h pour un nouveau son de Underground. Je ne sais pas encore quel thème on va voir suivant les rentrées de nouveaux morceaux de la semaine. Voilà, en tout cas c'est du mix au top sur Radio Méditerranée, exclusivement, uniquement. Vous pourrez nous retrouver donc sur le web radioméditerranée.com, sur les applications Android et aussi iPhone, sur Twitch en direct, sur Facebook. Voilà, en tout cas je vous laisse avec la playlist de la radio. Une bonne soirée à vous, bis à tous, à bientôt.